Oh, c'est que vous êtes sentencieuse. Quand vous vous y mettez, est-ce que je peux vous inviter à déjeuner? C'est parce que je suis sentencieuse que vous voulez m'inviter à déjeuner? Non, c'est parce que j'ai faim, parce qu'il va être midi. Parce que je crois que je vais avoir faim, ici, que la conversation m'intéresse et que je veux la continuer. Vous avez beaucoup de bonnes raisons, mais je ne peux pas accepter. Je rentre tous les jours déjeuner à la maison. C'est dommage. Quelle heure est-il? Vous savez l'heure? Il est midi moins 5. Oh là là, je vais être en retard. Excusez-moi, je suis. Non, non, surtout ne vous dérangez pas. Hein. À bientôt. Au revoir. Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner? Est-ce que je peux vous inviter? Est-ce que je peux vous inviter à déjeuner? J'ai faim. Il va être midi. Je crois que vous devez avoir faim, vous aussi. Je crois que vous devez avoir faim. Je crois que vous devez avoir faim, vous aussi. La conversation m'intéresse. Et je veux la continuer. Je veux la continuer. Pourquoi Robert veut-il inviter Mireille à déjeuner? Parce qu'il a faim, parce qu'il va être midi, qu'il croit qu'elle doit avoir faim, elle aussi, que la conversation l'intéresse et qu'il veut la continuer. Ça fait beaucoup de bonnes raisons, mais je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Je rentre tous les jours déjeuner à la maison. Je rentre déjeuner à la maison. Je rentre tous les jours déjeuner à la maison. Pourquoi Mireille ne peut-elle pas accepter l'invitation? Parce qu'elle rentre tous les jours déjeuner à la maison. Ah, c'est dommage. Quelle heure est-il? Vous avez l'heure? Quelle heure est-il? Vous avez l'heure? Il est midi moins 5. Quelle heure est-il? Midi moins 5. Oh là là, je vais être en retard. Oh là là, je vais être en retard. Excusez-moi, je file. Excusez-moi, je file.